Chapitre 5. Quand la CIA recolonisait le Congo. L'exploitation du Congo fut le plus grand crime contre l'humanité jamais commis dans l'histoire de l'humanité. L'expression est de Sir Arthur Conan Doyle, auteur d'un pamphlet méconnu sur les massacres et atrocités perpétrés entre 1885 et 1908 dans l'État indépendant du Congo, propriété personnelle du roi des Belges, Léopold II, et riche en ressources naturelles. La rapacité du roi et des compagnies concessionnaires entraînèrent l'asservissement des paysans congolais, mobilisés jusqu'à l'épuisement pour produire notamment du caoutchouc. Plusieurs millions d'entre eux y laissèrent la vie. A priori, l'indépendance du pays, programmée pour 1960, était donc une très bonne nouvelle. Mais lorsqu'elle intervient le 30 juin 1960, diverses factions commencent à lutter pour le pouvoir, parmi elles le mouvement national congolais du leader charismatique Patrice Lumumba. Avec de très nombreuses ethnies, le pays est politiquement éclaté. Il est riche de nombreux minerais de métaux, de diamants et d'or. Entouré par 9 pays, le Congo est prêt à devenir un champ de bataille de la guerre froide entre États-Unis et Union soviétique. Les Américains exploitent déjà à l'époque des gisements de cobalt, 75% de leur approvisionnement, de zinc, manganèse, fer et bauxite, tous très utiles à leur industrie aéronautique. De leur côté, les Belges restent très présents après l'indépendance à travers de nombreuses entreprises. Ils ont veillé à ne pas préparer la décolonisation, à ne pas former d'élites locales susceptibles de prendre le relais, afin de s'assurer qu'ils conserveront en réalité les rênes du pays. Dès le 2 juillet éclatent des rixes entre tribus. Dans les jours qui suivent, une partie de l'armée se rebelle contre ses officiers belges. Inquiet, Bruxelles demande au Premier ministre Lumumba de l'autoriser à intervenir militairement pour protéger ses ressortissants et ses intérêts économiques. En réponse, Lumumba limoge le commandant en chef de l'armée, Emile Janssens. Le 8 juillet, c'est la panique dans la capitale, Léopoldville. Les ambassades françaises et britanniques commencent à évacuer leur personnel. La Belgique passe outre l'opposition de Lumumba et envoie ses troupes le 10. Le 11 juillet, la riche province du Katanga déclare son indépendance sous la férule de Moïse Tshombe, à l'initiative des Belges. Les Nations Unies demandent à la Belgique de se retirer. Lumumba se rend à Washington pour demander assistance aux États-Unis, mais y est assez mal perçu, notamment lorsqu'il laisse entendre qu'il pourrait faire appel aux Russes si on ne lui donne pas satisfaction. Pour Alan Dulles, le patron de la CIA, Lumumba a été acheté par les communistes. Eisenhower réclame une action vigoureuse contre lui. Le 26 août, Dulles donne l'ordre à son équipe de Léopoldville de débarrasser le Congo de son premier ministre. Un plan d'empoisonnement est mis sur pied. Le docteur Sidney Gottlieb, le maître chimiste de l'agence, que l'on retrouvera au cœur du projet MK Ultra au chapitre suivant, est envoyé au Congo pour livrer un virus caractéristique d'Afrique centrale destiné à Lumumba. Le poison ne sera pas utilisé en raison des réticences de l'équipe sur place. Le chef de poste, Lawrence Devlin, atterré par l'ordre d'assassinat alors que d'autres moyens moins radicaux sont disponibles, tergiverse, puis ira tout bonnement enterrer la fiole de poison au bord du fleuve Congo. Un autre officier reçoit l'ordre en octobre de partir tuer Lumumba. Justin O'Donnell, appelé Michael Mulroney dans le rapport Church, refuse à son tour et fait remarquer qu'un tel crime organisé depuis Washington constituerait un crime fédéral. Alan Dulles a déjà trouvé un remplaçant pour Lumumba, un des dirigeants de l'armée, Joseph Mobutu, le seul homme au Congo capable de faire preuve de fermeté. L'homme est un ancien journaliste parlant bien le français, détail précieux pour la CIA où personne ne parle le dialecte local. est devenu colonel sous Lumumba. Dès octobre, la CIA lui transfère 250 000 dollars et des chargements d'armes. En novembre, Lumumba perd le pouvoir suite à une lutte politique avec le président congolais Kassava Boutou et Mobutu. Il se place sous la protection des troupes des Nations Unies, mais est capturé par les troupes de Mobutu le 2 décembre, emprisonné et exécuté le 17 janvier. Sa dépouille est dissoute dans un bain d'acide. Techniquement, la CIA n'est donc pour rien dans sa disparition. Mais elle a transmis à Mobutu les informations permettant sa capture. Quelques jours plus tard, John Fitzgerald Kennedy devient le 53e président des États-Unis. Le long règne de Mobutu Sese Seko peut commencer après une dernière lutte de pouvoir et une longue unification du pays. Rebaptisé Zaïre en 1971, celui-ci devient une des bases pérennes de la CIA en Afrique. Mobutu s'impose comme un des dictateurs les plus corrompus et les plus sanguinaires du continent, détournant des milliards de dollars de recettes minières et massacrant ses opposants. Dans une interview télévisée de 1962, Alan Dulles reconnaît que la CIA a surestimé l'implication des Russes au Congo. Le règne de Mobutu n'a pris fin qu'en 1997, sous l'effet d'une guerre imprévue, conséquence du drame rwandais. Passé sous la coupe de Laurent-Désiré Kabila, le Zaïre, devenu République démocratique du Congo, est de nouveau devenu la proie de ses voisins et de seigneurs de la guerre, se déchirant pour ses ressources naturelles. En 2002, le gouvernement belge a publié les résultats d'une enquête parlementaire établissant les responsabilités belges dans la déstabilisation et la mort de Lumumba et présenté des excuses officielles. Rien de tel n'est venu des États-Unis.